bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy et ce pour la prochaine heure. J'espère que ça va bien dans votre coin. Pour ma part, je suis complètement enrhumé. Je suis en train de moucher ma vie. Donc, ça se peut que les micros soient quand même assez limités. Cette semaine, ça part dans tous les sens. Un peu de musique dans les styles électroniques vraiment variés. On a un peu de rap palestinien. On a un peu de glitch, un peu de C-punk, donc toutes sortes de trucs vraiment variés pour ce soir. On va débuter avec deux pièces assez gentilles sur l'étiquette Bad Panda Records, une étiquette qui nous vient de l'Italie. On va entendre tout d'abord Jagan May avec sa pièce Envy. Ensuite de ça, c'est Jauge avec la pièce Be Free. Donc on débute avec ces deux pièces-là pour Web Music.

de l'Angleterre. Donc, c'était Jauge avec sa pièce Be Free. Avant ça, de la ville de Copenhague au Danemark, c'était Jagan May avec la pièce Envy. Donc, ça, c'était deux artistes publiés sur l'excellente étiquette Bad Panda Records. Une étiquette qui nous vient de l'Italie. On poursuit avec deux artistes différents qui sont sur l'étiquette Modoc Records. On va débuter avec Hanging Gardens. Je vous fais entendre la pièce Medication. Hanging Gardens qui nous vient de la ville Los Angeles. Puis ensuite de ça, de San Francisco, c'est Nahant avec la pièce Herb Chalice. Donc, c'est deux pièces tirées de la compilation 420. Fait qu'avec un nom comme ça, vous pouvez imaginer un peu c'est quoi le sujet des pièces de la compilation. On écoute ça tout de suite à Web Music. Marijuana doesn't affect everybody the exact same way. Marijuana doesn't affect everybody the exact same way. Marijuana doesn't affect everybody the exact same way. Marijuana doesn't affect everybody the exact same way. Every single day, and I would do so every day until the day I drop dead. Every single day, and I would do so every day until the day I drop dead. So where do you get your marijuana? I'm a card-carrying marijuana user, and I medicate myself, and I consider medicating. I medicate myself, and I consider medicating. I medicate myself every morning. I medicate myself throughout the day, and I medicate myself every single evening, just the same way as anybody else. So where do you get your marijuana from? Marijuana doesn't affect everybody the exact same way. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un peu de dub complètement blondé. Donc c'était Nant avec sa pièce Herb Chalice. Avant ça, c'était Hanging Gardens avec sa pièce Medication. Donc deux pièces tirées de la compilation 420 sur l'étiquette Modoc Records. On poursuit avec cette fois-ci un peu de rap, donc palestinien. On va entendre Il Paz. Je vous fais entendre deux pièces. Donc la première, c'est une pièce d'Alao Hall. La pièce s'intitule Kafi. Ensuite de ça, c'est donc une pièce de La Wujud. La pièce s'intitule Ramallah. Vous allez voir deux pièces excellentes de Il Paz. بالمشروب يعرض الغابة تعي فهميني لاني شكلي بطلت افهم شوفولي واحد تاني يكون اذكى مني افهم شكلي عم بحلم وانه ماركس هلس اسلم نفسي بمثال زيه بالتحرير اسهم او واحد اعلم بس وبالمصاري اكثر مش اكثر من وضعي لا انا الوضع اعلم لازم امحيكم كلكم عن هذه الساحة لانكم بدون كتلة بس مخدي مساحة هذا التراك الاول رح ابلش الاطاحة الراب طويل الروس عالية تبحث عن فصاحة سطرين ثلاثة مني بتقلبوا عضوركم زي لما يجي اول مرة بتزبطوا اموركم ايوة بقتل بصم للاذان بس بطفي الموسيقى وقت الاذان دائما بطف حقيقة حتى لو ما كان تسجيل تسجيلاتي قليلة فيش مكان لك تسجيل عدم وجود اموال بجيبي ما بيسمى فقر لانه العلم بحد ذاته بشد الظهر زي تدريبات الشاطين في اعالي التبت كنت زمان احترم الجميع بس هلا تبت لانه الاحترام اغلى من اللي بتعبدوه لا انا مش عم بكفر بحكي عن الدولار انسدوه الباز بطير بشوف بسطاب فرائي السهلة مش بقدرش اسطاب طرائد بس انتو رؤوسكم ضحني مجال كلامي اوسع من مغانة تسلا سيبوا الباز براسه ايوة ابعدوا لا تحلى بلغي من كلام عشرة ما تفهموا وتقعوا كآلة حادة بقطع الحرير اجمعوا انفسكم في طبقات عشان اجرب حالي بزرعتكم مستنبت فالفكر بدون مداني خالي فكر تجاري بتنتشوا لا تكتبوا طلاسم شيطانية بتغنوا بدون ما تفهموا السين طلعت ريحته بالمتانة صارت ظاهرة هالاغنية راحت عششون مش كم كلمة عابرة عاهرة فتحوها للتجارة بيرخصوا فلسطين الاغنية في بيت دعارة مني وعلي الفت هالكلام الفاضي وبكونش انسان مظبوط سكونت فيكم راضي انتو زي السلطة صعبة تمثلوا حد شريف وانا تحت ارضي مقاوم سجل كله نظيف لعب كل فنان تحت ارضي زيه عم بزرع كيان كامل كلامي بيعمل عريو اعتبروا المصاري والشهرة بالنا الحقيقة هون في مولود جديد وانتو حتكونوا العقيقة اعتبروا المصاري والشهرة بالنا الحقيقة هون في مولود جديد وانتو حتكونوا العقيقة عقيقة السلم من دفاهاتكم إنه الخطي بحرقلكم الدركاتكم إنه الخطي داخل يكسر هاراتكم إنه الخطي إنه الخطي إنه الخطي السلم من دفاهاتكم إنه الخطي بحرقلكم الدركاتكم إنه الخطي داخل يكسر هاراتكم إنه الخطي إنه الخطي إنه الخطي Thank you. الله لا وجود في رام الله لا وجود لخطوط المشاة في رام الله بنسحب سلاح الحمى رام الله تدار بوجوه كالدمى رام الله مليئة بالمطاعم والحفا رام الله فيها برد فيها دفا رام الله ملعب العيون العمى رام الله ارحم العجوز في السباه رام الله الفلسطيني غرتي فتاة رام الله غرقتي كذبا بالغناء رام الله ما شريعك ضرب على أفا رام الله ما أشطرك بالغناء رام الله فيك طفل معلم على فتاة رام الله الأمن فيك المقاوم خفا رام الله ما كانش فلتان كانت مقاومة رام الله أدلت المقاومة لعبة مساومة رام الله أهلك منا كانوا كبش الفداء رام الله الرأس مالية بجسمك نخرط لك إياه رام الله حتى من جيحون بتاخد المياه رام الله اعتصاماتك كلها تذهب سدى رام الله فيش عندك زراعة للكلى رام الله أي مواطن فيك عايب سما رام الله بيسألوك الراتب نازل متى رام الله بجاوبوا عنك بكرة بالمساء رام الله ارحميني بعرض الكعبة رام الله المعابر بطل في لازمة لها رام الله مش العاصمة والكل نفا رام الله أهلك عراسي بس عندك معضلة رام الله كل واحد بوادي احنا مش صبا رام الله خربوها عكوها ولادها رام الله ما بحبك انت مش الدواء آسف رام الله بالقدس بتكون الرؤى مش شايف فيك اشي فجرتني غرفة Donc un peu de rap de la Palestine, je comprends absolument rien, mais j'adore le flow, il me semble que ça fit complètement. C'était Il Paz avec deux pièces, on vient tout juste d'entendre la pièce par la Wujud, c'était la pièce Ramallah. Avant ça, c'était Alao Al avec sa pièce Kafti, donc deux pièces remixées par Il Paz. Donc, il y a plein d'artistes aussi dans ce genre-là sur SoundCloud. Je vous invite à aller faire une petite recherche de ce côté-là. Vous pouvez passer par le site de Web Music. Vous allez avoir les liens pour télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Vous avez juste à vous rendre au www.webmusic.ca. On va poursuivre cette fois-ci avec un duo de la Lettonie, de la ville de Riga plus précisément. C'est Wheelchair Discotheque. On va entendre la pièce Friendly Tea Fungus.

un peu de footwork pour vous, c'était Ookie avec Pyramid Joe, qui a la pièce intitulée Yen. C'était publié sur l'étiquette Raw Records, une étiquette qui nous vient de Montréal. Avant ça, c'était de la ville de Moscou, 813, avec sa pièce Erotica. On poursuit avec cette fois-ci du Japon, Watapashi, c'est donc la pièce Love It, c'est repris par Thomas White, Dear Lola, puis Kid Bassline, donc trois Montréalais. Ensuite de ça, c'est Zombel et Mir Kaba, je vous fais entendre la pièce Tropocalypse, allez voir deux pièces de C-Punk, pas piquer les verres. Hello. You drop your comments into the well. You push my carriage as you hit the bell. When you see that there is no hell, you call the paradise that can't be quelled. Tout pour notre petit bloc C-Punk à Web Music. Donc ça, c'était Zombel, une artiste qui nous vient de la ville de Chicago, est accompagnée de Mir Kaba. C'était la pièce Tropocalypse. Avant ça, du Japon, c'était Watapachi avec la pièce Love It. C'était donc remixé par trois Québécois de la ville de Montréal, Thomas White, Dear Lola et Kid Bassline. On va poursuivre avec cette fois-ci un artiste de la ville de Rouen en France, c'est Afro Glitch. Je vous fais entendre la pièce Phase. Thank you. This is the review for Master Grade Faz. Faz. That's F-A-Z-Z. That's F-A-Z-Z. De la ville de Rouen en France, c'était Afro Glitch avec sa pièce Faz. Je crois que ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous invite, comme à l'habitude, à aller visiter la page de l'émission. C'est au www.webmusic.ca. Vous allez pouvoir retrouver donc les playlists et les liens pour télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Restez à l'écoute tout de suite après, c'est le mur du son avec Simon et William. Donc, pas mal certain qu'il va avoir de la bonne musique, comme à l'habitude. Nous, on va se quitter sur deux pièces tirées de la compilation King Deluxe Presents Year 2. C'est une étiquette, donc, qui nous vient de la ville de Vancouver. Anciennement, c'était Paper Mill Records. Donc, vraiment des trucs assez intéressants. Ils ont quelques compilations. C'est toujours des belles, voyons, des belles pochettes. Toujours une belle présentation à chaque album qui sort. Donc, je vous invite à visiter King Deluxe. On va entendre tout d'abord Aleph, un artiste de la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. Je vous fais entendre sa pièce Mesa. Ensuite de ça, de l'Australie, juste à l'est de Sydney, dans les Blue Mountains, c'est Option Command. Je vous fais entendre sa pièce 3000 Clones. Donc, on va se quitter là-dessus. Puis, je vous donne rendez-vous à compter de 20h la semaine prochaine pour notre émission de Web Music. Oh,